plus une minute à perdre à réfléchir ou fléchir. Aujourd'hui c'est mes textes et mon gun qui te font réagir. Derrière ton bureau, ces mots une claque punir pour dire. Ces erreurs qui me font vivre, nos convictions font trembler. Nos différences assemblées, dans cette France tous rassemblés. Moi je nique le système qui bolosse. Pendant que moi je bolosse les bolos, je brasse l'écume toujours avec la gueule fière, avec le sourire. Même si tous les jours c'est pas facile et toi ça te fait sourire. Les coudes soudés comme des frères planqués dans ce maquis. Donias, mes chocos Keller dans cette chaîne de vie, celle qui nous a trahis. L'habit et la couleur fait le moine, ça c'est le juge qui me l'a dit. La justice pour les riches, ça c'est pas d'aujourd'hui. Vis-à-vis de tous ces vis-à-vis, la pleine pression des ch'tards qui sévit. Bavure sur les jeunes, mille immunités et sans merci. Jean-Marie à l'appui, je reste comme la manie dans ce monde pourri. Mélangé dans ce pot pourri, j'aimerais te voir comprendre être dans ma vie de pot pourri. Je rétablis les valeurs dites établies. J'écris, j'en paye le prix, je dénonce dans toutes les cités de France. Les jeunes balancent leur arrogance, une délinquance sur qui on rejette toutes les fautes. À qui la faute si ça pète dans les ghettos? S'il y a des problèmes sociaux, politico, je mâche pas mes mots. Vous qui êtes au pouvoir, beaucoup de jeunes de mon âge savent que c'est qu'un kilo. Voix de la coco, mon coco, ce ne sont plus des faits marginaux. L'emplacement de notre société n'a pas été fait au hasard. Un état de bâtard, je revendique mon épître du pit comme un coup de pétard. Pour tous les fêtards, ma vérité absorbée comme un buvard. En manque de gens rares, des tards qui deviennent des stars du ch'tard. Des jeunes qui quittent plus l'école, préfèrent l'école de la décolle. Plan rack, oui pour pactole, guitare et paf sous alcool. Vini se avec une pompe dans les veines, ça reste moins drôle. Pour faire son trou, il prend des risques et part au trou. Rogné par la famille, il reste la corde au cou. Non, rien ne sert d'exister, mais rien ne vaut d'exister. Des questions sans réponse se portent très mal expliquées. Je remonte mon encre pour partir, même si des fois j'ai papier. Je lâche mon encre, ma haine à contenir pour faire parler le papier. Plus une minute à perdre à réfléchir ou fléchir. Aujourd'hui c'est mes textes et mon gun qui te font réagir. Derrière ton bureau, ces mots une claque punir pour dire. Ces erreurs qui me font vivre, nos convictions font trembler. Nos différences assemblées, dans cette France tous rassemblés. Au collège, on t'encourage à suivre la filière de détresse. Le prof t'emmerde en te faisant la promesse. Tu es dans la merde, t'as rien à perdre en empruntant la route du bleu. P-O-L-E-P, personne écoute, les cours sont oubliés. Coûte que coûte, il te faut du blé. Pour bluffer, la tchatch ne suffit plus. Suffit d'arracher le cash au fils de neutu. Ne te plains pas, y'a certainement plus misérable. Certains n'ont rien à table, d'autres jettent façon considérable. Comme les restos rapides, qui s'en foutent de ceux qui ont le beat vide. Comme les bad kids grandissant dans le vice voulant se faire des rides. À bord d'un yacht sur la côte d'Or. Hormis les gardes du corps, y'a que des femmes qui y rentrent et qui en sortent. Si tu dors, c'est la mort dans le bis. Ne trouve pas bizarre que c'est ton meilleur ami qui te vise. Pour la valise, menotté à ton poignet. Pour une poignée de Pascal ou autre nouveau billet. On te déshabille, c'est pas normal. La dépouille existe depuis l'âge du jeu de billes. Du jeu de dés, on fait place au jeu de tickets. Le TAT, Pino famille et tout ce qu'on construit, il est démoli. Mais les jeunes ont compris, ne veulent plus se faire prier. Pris pour ne pas être pris, et à tout prix jamais gazouiller. Au poulailler, garçon, au poulailler. Plus une minute à perdre à réfléchir ou fléchir. Aujourd'hui c'est mes textes et mon gun qui te font réagir. Derrière ton bureau, c'est mon claque punir pour dire. Ces erreurs qui me font vivre, nos convictions font trembler. Nos différences assemblées, dans cette France tous rassemblés. On est tous rassemblés. Red Rock. Nos différences assemblées. Avec des textes bien blindés. Casse pour mes gars. Yes, Kawet. 93 360.